Et c'était la priorité de Phil, c'était toujours son idée de rattrapage par rapport à l'Allemagne, c'était de fouiller les grands centres urbains, Arras, Boulogne, Derval, où on n'avait rien, ça n'avait rien.